Bienvenue au 36e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous vous est présenté par les Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man! Je vais vous parler aujourd'hui de La chute de l'Empire américain, le dernier film de Denis Arcand. Contrairement à ce que le nom pourrait faire penser, ce n'est pas une suite du déclin de l'Empire américain et des invasions barbares. On peut trouver certaines filiations, un peu comme L'Âge des Ténèbres, mais cela n'a rien d'un surprenant d'un même cinéaste. Ici, nous y suivons un jeune homme ayant étudié la philosophie et travaillant comme livreur. Il est un intellectuel qui se pense trop intelligent pour la société, ce qui n'est pas un bien. Ce qui l'intéresse est la pensée, les écrits, comme en témoigne la quantité de livres dans son appartement. Il pense aussi surtout aux causes sociales, avant tout aider les sans-abri. Il aide dans un endroit où on leur donne de la nourriture, il est toujours en train de donner du change à tous ceux qui en demandent sur son chemin. Il méprise l'argent, le matérialisme, mais peut-être pas tant que ça. Il est témoin d'un vol de banque et les deux sacs de sport remplis d'argent lui tombent littéralement juste devant lui. Il ne réussit pas à résister à la tentation et prend l'argent. Il ne sait pas quoi faire et va donc demander conseil à un ancien mentor qui sort de prison après avoir fait des études en économie durant son emprisonnement. Il va aussi rencontrer une pute de luxe qui proposait ses services de manière sophistiquée, ce qui l'avait intéressé, et il va en tomber amoureux. La police semble suspectée. Sa vie sera-t-elle menacée par les gangs de rue qui veulent mettre la main sur lui? L'ancien motard va-t-il le rouler? La pute retourne-t-elle son amour? La police va-t-elle avoir des preuves? Le film a un côté un peu thriller, légèrement policier par moments, un peu sentimental aussi, mais il s'intéresse beaucoup à l'argent, sa place dans notre société, son pouvoir, ce qui va lui arriver dans le film, mais aussi à la détresse, aux gens qui vivent dans la rue et à quelques autres problèmes de société. Le film aborde des sujets et des événements qui rendent le film intéressant, mais La chute est selon moi avant tout divertissant. Les propos, situations, répliques, moments, tout cela reste assez amusant, un peu drôle. Malgré des sujets graves, le ton du film est généralement assez léger. S'il aborde pas mal de sujets, il va assez peu en profondeur, ce qui ne l'empêche pas d'être un bon film, mais le rend difficile à classer. Pas vraiment un film policier, ni une comédie, ni un drame sentimental, ni tant une critique sociale, mais un bon moment, ce qui mérite sans doute une note de 3 sur 5. Ce film a donné envie de revoir ou de voir divers films du cinéaste dont je parlerai ici très brièvement. On est au coton, un documentaire de près de 3 heures sur l'industrie du textile au Québec datant de 1970, mais qui ne sortira en salle qu'en 1976 et censuré, puis sortira enfin légalement non censuré en 2004. Le film aborde une fermeture d'usine, les conditions de travail et la lutte syndicale. J'avais déjà vu des extraits, mais jamais le film au complet. Il est disponible sur Internet. Ce documentaire aborde un sujet peut-être dépassé, après tout, l'industrie textile de l'époque n'existe plus au Québec, mais l'industrie textile existe toujours ailleurs. Et il y a d'autres industries au Québec qui ont leurs problèmes, et surtout, il me semble que le documentaire va plus loin que les sujets qu'elle aborde. Il est question aussi de la mentalité des gens impliqués et de la société. Un documentaire qui, malgré sa durée et son époque, demeure intéressant et pertinent, il me semble. Je donnerai donc une note de 3 sur 5. Réjeanne Padovani, qui date de 1973. Le deuxième film de fiction de Denis Arcand. Des politiciens sont à une fête pour la construction d'une autoroute. Une fête qui semble relativement ennuyante, qui sera légèrement perturbée par quelques éléments. des journalistes qui veulent faire un papier et auxquels on répondra un peu violemment. La femme d'un ministre qui ne vit plus avec ce dernier mais demande à lui parler. Tout le film semble plutôt tranquille, un peu ennuyant, mais il se passe des choses graves. Propos social assez cinglant, montré avec un minimum d'effet, tout à fait dans la veine du réalisateur. Intéressant, mais pas bien passionnant. Je lui donnerais donc un 3 sur 5. Gina, qui date de 1975. L'action se passe dans une petite municipalité de région. On y suit deux histoires. D'un côté, une équipe tourne un documentaire sur l'industrie du textile, vraisemblablement une manière pour le réalisateur de contourner l'introduction d'On est au coton. On y voit une partie du propos, certains passages réinterprétés, et semble-t-il de vrais extraits du documentaire. En même temps, débarque Gina, venant de la grande ville pour y travailler comme danseuse. Les choses évolueront de manière un peu dramatique pour cette seconde intrigue. Un film plutôt intéressant, plus émotif que les films habituels du réalisateur, auquel je donnerais un 3 sur 5. Le confort et l'indifférence de 1982. Un documentaire sur le référendum pour le projet de souveraineté-association qui a eu lieu au début des années 80. Le film est composé principalement de discours politiques représentant les oppositions, surtout avant, mais un peu après, entrecoupé de quelques extraits du Prince de Machiavel, interprété par un acteur, et des avis de quelques gens sur le sujet par moment. Le documentaire d'un peu moins de 2 heures, bien qu'ayant des éléments intéressants, réussit surtout à nous ennuyer. On pourrait se demander si son objectif est de nous rendre indifférents, mais plus sérieusement, il aurait bénéficié d'être un peu moins long. À force, les discours sont répétitifs et ennuyants. On aurait pu faire le même point en bien moins longtemps. Donc, je lui donne une note de 2 sur 5. C'est moyen. Le déclin de l'Empire américain, qui date de 1986. Des amis professeurs d'histoire se réunissent à un chalet. Pendant une bonne partie du film, on voit les hommes entre eux parler de cul au chalet, tandis que les femmes de leur côté parlent aussi de cul en faisant d'autres activités. Puis tout le monde se réunit, on parle de la société, de l'histoire, des mœurs, de la civilisation et bien sûr de cul. Malgré quelques drames sur lesquels le film insiste assez peu, c'est surtout une suite de dialogues plutôt intéressants et assez amusants, mais pas nécessairement captivants. Un film très correct, mais il y a de quoi se demander pourquoi il est tant glorifié. Je lui donne donc une dot de 3 sur 5. Jésus de Montréal, sorti en 1989. Je dois avouer avoir été surpris. Je me souviens que j'avais bien aimé ce film, mais pas autant. C'est peut-être bien le film que j'apprécie le plus du réalisateur. Des acteurs sont engagés pour interpréter les derniers moments avant la mort du Christ. Le résultat semble apprécié par la critique et le public, mais pas tant par le clergé qui a commissionné cette représentation et fourni les lieux. Ce film n'est pas tellement un film sur Jésus malgré de nombreuses analogies, mais plutôt un film sur de jeunes acteurs engagés dans leur art, particulièrement le personnage principal qui semble en charge de la pièce, qui interprète Jésus, un jeune homme entier, qui semble sans concession. Le film porte aussi un peu sur la perte de la religiosité, le monde de la publicité et divers autres sujets. Un très bon film auquel je donne la note de 4 sur 5. Love and Human Remains, sorti en 1993. Comme dirait quelqu'un que je connais, c'est trop canadien. Ce film tourné en anglais d'après la pièce de théâtre Unidentified Human Remains and the True Nature of Love, écrite par Brad Fraser, a un style plutôt ennuyant, avec un jeu d'acteur clairement sous-joué, il me semble. Un style visuel pas très intéressant, une action assez lente et des personnages pas trop attachants. Il y a 2 jeunes colocataires en ville, un mec gay qui travaille comme serveur et a déjà tenté une carrière d'acteur, et une femme qui voudrait être en couple et va, entre autres, essayer de sortir avec une lesbienne. Les personnages sont décomplexés sexuellement. Le type vit un peu dans le vice, en sortant dans les clubs, cruisant à gauche à droite, etc., et il ne croit pas en l'amour. Il traîne un peu avec un vieux pote devenu flic, mais ce n'est plus comme avant. La femme est plus timide, elle ne mange et ne sort pas beaucoup, ce qui inquiète un peu son colocataire. Elle a aussi un peu peur, parfois ironiquement, parfois réellement, des tueurs ou prédateurs. Mais puisqu'il en est question chaque fois qu'un personnage regarde la télévision, ce n'est que normal. On voit occasionnellement une amie du gay qui est à la fois pute et en quelque sorte voyante. Le montage crée parfois quelques surprises, mais ça reste ennuyant au final. C'est tout de même pas mal et relativement intéressant. Mais le rythme et le style sont tellement bofs que ça reste moyen. Je donne donc à ce film une note de 2 sur 5. Les invasions barbares datant de 2003. Suite du déclin, dans ce film, on renvoie le personnage interprété par Hugo Girard, le plus porté sur le cul de la bande, très malade, bien que divorcé. Son ancienne femme se préoccupe toujours de lui et demande à leur fils de venir, malgré que les deux hommes se parlent peu. Le fils va faire plein de choses, pas toujours honnêtes, pour donner de derniers moments de bonheur à son père, notamment en réunissant la bande d'amis. On voit les difficultés entre les deux générations. Le film est plus dramatique et émotionnel que les films habituels de Denis Arcand. Mais contrairement à l'impression que donne le trailer, je ne crois pas qu'il souffre vraiment d'émotivité abusée et gratuite. Denis Arcand en profite bien sûr pour égratigner brièvement quelques sujets comme le système de santé ou la vente des biens des églises. Je lui donne donc une note de 3 sur 5. L'âge des ténèbres, sorti en 2007. Mon avis n'a pas beaucoup changé depuis que je l'ai vu il y a quelques années, quoique la fin m'a moins ennuyé. Il faut bien prendre une pause après tout ça, prendre le temps d'apprendre à vivre. Donc je vais plus ou moins redire ce que j'ai déjà écrit sur ce film, sur l'un des forums que je fréquente. Échec critique et commercial en France, le film a tout de même eu un grand succès au public au Québec. Une comédie, du moins sans doute en comparaison avec les autres films du réalisateur. Une comédie noire, bien sûr, où l'on rit jaune. Un film très cynique. On y suit un fonctionnaire qui a une vie chiante, avec plein de tracas de la vie courante, et qui, pour s'en enfuir, rêve beaucoup. Mais malgré les rêves, ne le satisferont plus bien longtemps. Ce film exagère pas mal, mais reste tout de même très près de la réalité, beaucoup plus crédible que ce que nous sert le cinéma en général. L'absence de relations entre les gens, même d'une même famille, la bulle où tout le monde s'enferme avec Discman, téléphone cellulaire et jeux vidéo, la froideur. Denis Arcand s'attaque encore une fois à l'organisation, l'administration, le système public, mais ce qui prime, c'est l'ennui de l'existence du héros, le peu de relations qu'il a avec son entourage, tous les téléphones cellulaires qui l'entourent, abondamment montrés dans tout le film, et ses rêves. Rêves qui nous font rire, des rêves surtout sexuels et si peu originaux. Réalité morne, crue, cynique, qui nous fait rire et pleurer. Ce film, à mon avis, réussit tout de même à nous faire vivre quelques émotions, à nous atteindre de son propos. Il est loin d'être vide de sens. Il n'est absolument pas mauvais, selon moi, contrairement aux critiques françaises. Je ne crois pas qu'il soit excellent, comme tous les films d'Arcand, mais il est intéressant, pertinent et assez bien fait. Le casting est bon, le film fait mouche. Il est vrai qu'il y a des longueurs, surtout vers la fin. On a aussi souvent l'impression que le film tourne en rond, mais c'est un peu ça, la vie. Nous sommes rarement emportés vers de hautes sphères émotionnelles. Il y a quelques éléments maladroits, surtout la séquence médiévale sortie d'on ne sait trop où, mal amenée, mal intégrée, qui semble intéressante et pertinente, qui aide peut-être à faire des analogies, mais qui s'intègre bizarrement dans le fil du film. Peut-être contribue-t-elle à l'irréalité, un peu, qui sait. Bref, c'est un assez bon film, peut-être pas le meilleur du cinéaste, mais intéressant. Je vous donne donc un 3. À la prochaine.